Alors, vous êtes de retour à Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons finir l'émission avec Valérie qui va nous raconter comment le tabagisme modifie le fonctionnement des gènes. Oui, c'est une étude qui a été réalisée à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec par un chercheur qui s'appelle Johan Bossé, puis bien sûr avec ses collègues. Et c'est une étude qui est parue dans la revue Cancer Research. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont prélevé des cellules de poumons de patients qui se faisaient opérer pour un cancer du poumon, et ils ont soumis ces échantillons à une analyse qui permet de voir le fonctionnement des gènes dans ces cellules. Alors, il faut comprendre qu'on a environ 20 000 gènes dans chacune de nos cellules, mais tous ces gènes n'entrent pas en fonction dans toutes nos cellules. Donc, ils ne s'expriment pas tout le temps. Là. C'est ça, ils ne sont pas toujours exprimés. Donc, par exemple, la cellule est fabriquée dans le pancréas, mais pas dans la peau. On n'a pas besoin d'insuline dans la peau, donc on ne va pas gaspiller. Nos cellules de peau ne vont pas gaspiller de l'énergie à fabriquer de l'insuline. Puis, pourtant, les cellules de peau possèdent le gène de l'insuline. Inversement, quand on bronze, les cellules de la peau se mettent à fabriquer de la mélanine, mais le pancréas, lui, il n'en fabrique pas. Donc, toutes nos cellules possèdent les 20 000 gènes et quelques, là, on ne sait pas exactement 20 000, mais ces gènes vont se mettre en marche en fonction de l'organe ou des circonstances. Donc, par exemple, on bronze quand on est exposé au soleil. Donc, pour en revenir à l'étude, les chercheurs ont voulu savoir quels gènes se mettaient en marche dans les cellules du poumon de personnes qui ont eu un cancer du poumon. C'est ça. Donc, et plus précisément, en fait, ils ont voulu savoir quels gènes se mettent en marche dans les cellules du poumon, mais des cellules non tumorales. Donc, ces patients-là ont un cancer du poumon, mais les chercheurs sont allés prélever non pas les cellules tumorales, mais les cellules qui ne sont pas tumorales, qui sont éloignées de la tumeur. Parce qu'il y avait déjà des études similaires qui avaient permis de voir quels gènes se mettent en marche dans les cellules tumorales. Donc là, les chercheurs ont expressément prélevé les cellules loin de la tumeur. Leur but, c'était de voir les effets donc à distance de la tumeur. Alors, les chercheurs ont donc prélevé des cellules de poumon sur des personnes atteintes d'un cancer du poumon, mais en fait, est-ce qu'on sait si ces cancers étaient liés au tabagisme? Parce que, dans le fond, l'amiante aussi pourrait causer le cancer du poumon. Oui, c'est ça, exactement. Bonne remarque. Et en fait, est-ce que les personnes fumaient? Ben, c'était la première chose que les chercheurs ont voulu savoir pour réaliser leur étude. Donc, ils ont demandé aux gens si elles fumaient, si elles n'avaient jamais fumé et si elles avaient fumé mais avaient arrêté de fumer. Et dans ce cas-là, depuis combien de temps elles avaient arrêté de fumer? Donc, en fait, les chercheurs pouvaient comparer les gènes chez trois catégories de personnes: celles qui fument, celles qui n'ont jamais fumé et celles qui ont arrêté de fumer. Et c'est ça, en fait, j'imagine que... En fait, ils ont tenu compte de la fumée secondaire dans leur étude aussi. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont observé? Est-ce qu'ils ont vu des différences au niveau génétique? Ben, ils ont d'abord comparé les fumeurs aux non-fumeurs et ils ont observé qu'environ 3200 gènes étaient déréglés chez les fumeurs. Donc, les gènes peuvent être déréglés de deux façons. Il y a ceux qui se mettent à fonctionner trop fort, puis il y a ceux qui, au contraire, cessent de fonctionner, ou du moins qui fonctionnent moins fort. Ouais. Donc, chez un fumeur, une tumeur localisée dans une partie du poumon peut déclencher le dérèglement d'environ 3000 gènes dans une autre portion du poumon qui n'est pas atteint par la tumeur. Mais est-ce que la tumeur, est-ce que c'est la tumeur qui, en fait, qui dérègle les gènes ou encore la fumée de cigarettes? Ah ben ça, l'étude ne le dit pas. Là, ce qu'on compare, c'est des gens qui ont fumé, des gens qui sont pas fumeurs. D'accord. Puis on dit que c'est lié au tabagisme. Okay. Mais peut-être que les gens qui ne sont pas fumeurs ont peut-être été exposés. Oui. Ah, c'est ça, exactement. Ouais. Donc ça, on ne le sait pas. Alors, si les fumeurs ont arrêté de fumer, il y a moins de gènes déréglés. Est-ce que ça veut dire que les gènes reviennent à leur état normal? Oui, ben en fait, c'est ça. Donc, ensuite, comme je le disais, ils ont regardé donc, entre les gens qui ont fumé et les gens les fumeurs et les gens qui ne fument jamais. Ils ont regardé aussi les gens qui ont arrêté de fumer. Et là, ils ont vu qu'il y avait des situations intermédiaires, donc il y avait moins de gènes déréglés. Oui, OK. Donc, effectivement, la question, c'est de savoir est-ce que ces gènes-là reviennent à l'état normal, c'est ça. Donc, c'est un peu ça, en fait. Les gènes retrouvent leur niveau de fonctionnement normal. Et pour voir de plus près ce qu'ils ont fait, les chercheurs, c'est qu'ils se sont intéressés, ils ont rangé les fumeurs qui avaient de fumée en catégories selon qu'ils aient arrêté depuis moins de 2 ans, depuis 2 à 5 ans, depuis 5 à 10 ans, etc., jusqu'à 49 ans. Donc, ils avaient dans leur groupe de patients des gens qui venaient tout juste d'arrêter de fumer, des gens qui avaient arrêté de fumer il y a 10 ans, puis d'autres depuis 49 ans. Depuis très longtemps, c'est ça. Et ils ont regardé chez ces gens-là si les gènes qui, normalement, sont dérégulés chez un fumeur, est-ce que là, ils sont revenus à la normale. Et ils ont observé qu'il y a une grosse majorité des gènes qui reviennent à leur niveau normal en moins de 5 ans. Donc c'est quand même assez encourageant. Oui, c'est ça, puis c'est encourageant finalement, ça vaut le coup d'arrêter de fumer. Mais il y a des gènes qui sont très longs à revenir à la normale. Alors on le voit sur les figures de l'article, en fait le niveau des gènes revient au fur et à mesure que quand les gens, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté de fumer, on voit que les gènes reviennent lentement à leur état normal. Mais il y a une poignée de gènes qui ne sont pas revenus à la normale, même chez des patients qui ont arrêté de fumer depuis plus de 49 ans. Et j'imagine qu'ils ne reviendront probablement jamais si après 49 ans. Mais alors le niveau a quand même baissé par rapport à ce qu'il est chez des fumeurs, mais il est quand même plus élevé que chez des non-fumeurs. Et ce qui est inquiétant, c'est que l'un des gènes qui est le plus déréglé par le tabagisme fait justement partie de ces gènes qui, 49 ans plus tard, sont toujours déréglés. Donc ça, c'est un petit peu questionnant. Et bon, c'est sûr que maintenant, l'étude a ses limites aussi. Par exemple, l'étude doit se poursuivre parce que les chercheurs se sont intéressés à des fumeurs qui ont développé un cancer du poumon. Donc, elle ne dit rien elle ne dit pas si ces gènes sont également déréglés chez des fumeurs qui ne développent pas de cancer. Effectivement, il faudra aller prélever des cellules dans des poumons de fumeurs qui n'ont pas de cancer. Exactement. Pour voir si comparer. Ces mêmes gènes-là sont déréglés. Puis peut-être que ça donnerait des indices aussi pour prévoir, pour être trouver capable de pistes, poser un diagnostic sur, attention, vous êtes en train vous de développer. Oui, c'est ça, exactement. Vous êtes susceptible ou sur le point de développer un cancer. Exactement. Donc, ce sont certainement des études qui vont se poursuivre. Oui, et ce sera très intéressant d'en connaître la suite. Alors, merci beaucoup Valérie. On va passer au mot de la fin.